chat. Négro, je te touche depuis que j'ai touché un micro. Ça fait deux pas et seul César a pu coucher un micro. Mais gros, on évolue comme ceux qui écoutent et savent pourquoi. Si ça te parle pas, c'est qu'on te parle pas. C'est aussi simple que ça, chat. Tant de boum, chat dérouillé. Mais l'avenir s'ouvre à nous comme une bonne chatte bien mouillée. Avec 13 depuis Mathusalem, comme toi on était de la marmaille. Beaucoup ont été touchés par le rêve de deux jeunes cailles. Mais mon premier classique était des Reebok. Mon premier tube, celui d'un grenaille déguisé en glock. Me parle pas de bloc, de ouf, ou bien d'AMC, je connais trop bien. J'en parle de plus, c'est de la balle à NC, ouais à l'ancienne. Chaîne de vie et d'être sourd à la tuerie. C'est le propre de l'homme avant d'être celui de la maison de 10. Voulait qu'on la caresse, nous a pris pour des rats. M'en a mis nos couilles sur la table et elle s'est pétée en cash. Trésor et César, la massue et la lame. Tacha et Chacha, l'escadrille on est là. Nous c'est Drop, Mali Sénégal, 7, 8 et 7, 5, l'escadrille on est là. Mon son te touche en promenade ou bien sous la douche. Même dans une ambiance louche, même si t'es bon gars, chauffe la touche. Vendeur de cam ou de sap, que tu sois que sous palais comme Bob Sapp. Que tu montes le moral ou bien tu me le sapes. J'rappe ça, les teintes, les briquets allumés. J'vis toujours en HLM, loin des stars adulés. J'ai le doulé, ça c'est la dalle en soninqué. J'traîne mon boulet et y'a que César pour m'aider à le soulever. J'te touche sans un livre qui s'écoute en 20 chapitres. On mord le titre et on explose les filtres. J'touche mon public et plus il y a affinité. Tellement j'lui donne que ça devient d'art chaud dans mon intimité. Un orgasme de flow sur scène. J'ai tout donné, j'suis en sueur et mon public aime. Touche mon public au point, j'ai le point gangsta. Et si t'es pas satisfaite, vas-y reste là. Trésor et César, la massue et la lame. Tacha et Chacha, l'escadrille on est là. Nous c'est Drop, Mali Sénégal, 7, 8 et 7, 5. Depuis sans vergogne, j'ai fait du troc parmi ceux qui s'en battent les bolos. Me disent mais imbécile va prendre des thunes dans les colloques. Parce que dehors c'est du sport, dehors faut causer du tort. Et avec tout ce qu'on y fait, on a plus qu'à manger du porc. On m'a dit dangereux c'est vous, mais putain quand est-ce tu sors, quand est-ce tu perces. Bouge ton derge, qu'est-ce tu branles, je comprends pas. Pourtant j'entends que de la merde à la Tiora. Mais photo calme-toi, t'es touché, tu te demandes comment ça se fait. Parce que d'habitude t'écoutes pas trop de rap français. Vas-y compte, c'est vrai, compte. Pas qu'il manque un bif. Y'a le compte? Ouais la page, y'a le compte. J'ai mis mon cahier dans une machine à compter. Parce que chaque rime que j'écris est un bif sans me la raconter. Ton son est squelettique, le note est spelétique. Ton groupe a peu d'éthique, nous on balafe la phonétique. While I be live, pussy, on se fera pas neuf. Celui qui fait un feat, ou il paye, ou il suce mes nuts. Ma musique tue, mais le crime n'est pas rentable. On me surnomme le chanteur tueur comme Bertrand Cantat. Ici c'est notre Youssouf, B.I.J. Plus j'agis, plus le swing de ma rime devient agile. Je touche mon public et la République. Le regard oblique, j'fusille avec mon pic et mon beat, yeah. Trésor et César, la massue et la lame. Tacha et Chacha, l'escadrille on est là. Nous c'est Drop, Mali Sénégal, 7, 8 et 7, 5, l'escadrille on est là.